Radio Campus Lille, il est midi. Pour préserver le pluralisme de nos médias. Contre la fin de l'audiovisuel public. Pour soutenir la vitalité de la recherche. Contre la désinformation et la manipulation. Pour entendre la voix de toutes et tous. Pour vous garantir d'être écoutés et entendus. Pour la survie des radios associatives et de votre radio. Le 30 juin et le 7 juillet. Même écœurés, ne soyez pas résignés. Allez voter ou donnez procuration. Ceci était un message des Radio Campus. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, vous êtes à l'écoute d'Angle d'Attaque sur les 106,6 MHz de Radio Campus, ou en DAB+, ou sur le site de radiocampuslille.com, ou bien même depuis notre archive d'émissions, tiens. Vous allez écouter une émission proposée par les trois attaques de la métropole lilloise. ATTAC, A de TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Au micro, pour m'accompagner, Florent, maître du temps, du pupitre et de l'animation musicale. Morgane, le billettiste. Didier, le novelliste, Christian, le pilier de l'émission, et Quentin, moi-même, pour animer ce sujet. Nous sommes à la veille du premier tour des élections législatives, donc dans la période dite de réserve. Comme il nous est impossible de ne pas parler politique, sinon nous aurions simplement déprogrammé cette émission, il est évident aujourd'hui que nous ne parlerons pas de candidats, de partis en lice, de programmes, ni nous donnerons de consignes de vote. Ceci étant dit, commençons. Nous nous retrouvons pour une dernière émission de la saison dans la lignée de notre thème « Ce que nous voulons ». Il était temps de parler un peu de culture. Alors, nous n'allons pas parler de la culture que nous voulons. En effet, il n'est pas question de dicter ce que devrait être la culture. Mais nous allons plutôt parler du financement de la culture que nous voulons. Et oui, on ne se refait pas à attaque quand on veut traiter un sujet, il est vite question de tordre des dogmes économiques pour permettre à minima aux gens de vivre mieux. Et pour parler de ce sujet, nous avons en ligne Aurélien Catin, auteur et militant pour les droits économiques auprès du réseau Salaria, dont fait partie le renommé Bernard Friot, et de L'Abuse, un collectif indépendant composé de travailleurs et travailleuses de l'art et de leurs alliés, qui interroge l'art en tant que milieu de travail. Aurélien Catin étant également auteur de Notre Condition, un ouvrage aux éditions Riot. Bonjour Aurélien Catin. Bonjour Quentin, bonjour ATTAC, et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la culture étant un thème assez inhabituel, nous avons besoin de vous pour nous éclairer, en commençant par la question de Morgane. Oui, alors, on a une image des artistes, d'un côté, on va dire, les rockstars qui vont écumer les plateaux télé, qui vont avoir beaucoup d'argent, et de l'autre côté, les petits artistes précaires qui travaillent avant tout pour la passion, mais qui, malgré tout, doivent cumuler d'autres boulots secondaires pour se maintenir à flot. Alors, est-ce que c'est une image qui colle un petit peu au constat que vous faites, et globalement, quelle est la situation des artistes aujourd'hui ? Eh bien oui, c'est l'image est bonne. Enfin, souvent on retient le grand public, on va dire, retient principalement la première, c'est-à-dire les vedettes qui sont très médiatisées et qui, pour une part, peuvent gagner effectivement beaucoup d'argent, avoir des revenus très importants. Mais par contre, le constat que vous avez posé et que vous avez complété en parlant de toutes celles et tous ceux qui ne gagnent quasiment rien, qui sont dans la pluriactivité contrainte et qui peine à avoir de la visibilité est tout à fait dominant, on va dire, dans le paysage de l'art. Donc, je peux vous donner quelques chiffres, peut-être pour commencer, pour poser le tableau. Vous avez 53% aujourd'hui des artistes graphiques et plastiques qui gagnent moins de 8 703 € de revenus artistiques par an. Voilà. Donc là, on est sur une population qui est nettement en dessous du seuil de pauvreté en termes de revenus. En 2019, on a un journal local, La Charente Libre, qui a fait une enquête à Angoulême. Vous savez qu'il y a un festival de BD renommé d'ampleur internationale. Donc, un certain nombre de professionnels de la BD sont installés dans cette ville. Donc là, on parle de gens dont c'est l'activité principale. Hein. C'est pas des personnes qui ont travaillé occasionnellement sur une BD, c'est leur activité principale. 150 des 200 auteurs et autrices interrogés étaient au RSA, les trois quarts. Et là, on parle de gens qui publient et dont la BD est l'activité principale. On a aussi un autre chiffre qui nous a été fourni dans les mois précédents, là qui concerne l'ensemble des artistes auteurs et autrices, c'est-à-dire des artistes de la création, quel que soit le domaine d'activité, hein, que ce soit les arts plastiques, le livre, le théâtre, l'audiovisuel, enfin bref, tout ce que vous pouvez imaginer. On voit que près de 50% du revenu artistique global, du revenu artistique du pays, est concentré entre les mains des 3,4% des artistes, auteurs et autrices qui gagnent le plus. Donc là, on est dans des concentrations typiquement patrimoniales qui font penser à un autre type de concentration patrimoniale qui est l'immobilier, puisque je ne sais pas si vous avez vu ce rapport d'Oxfam qui date, je crois, de l'année dernière, qui nous apprenait que 50% des biens immobiliers à la location appartiennent à 3,4% des ménages. Quelque chose comme ça. Vous voyez, on est à peu près sur le même type de concentration au niveau des revenus artistiques. Donc c'est un monde effectivement violemment inégalitaire où, comme on dit dans le néolibéralisme, « winner takes all », les vainqueurs empochent tout. Christian ? C'est une première réponse, effectivement, à nos questionnements. La question qui peut être posée également, c'est, on assiste à des concerts monstrueux, les gens participent, mais est-ce que la participation des fans est une part, et quelle est cette part dans la rémunération des artistes en question ? Alors, vous parlez de la billetterie ? Je parle de la billetterie, en effet, oui. Alors, la billetterie, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'on ait aujourd'hui d'études statistiques d'ampleur qui nous montrent précisément ce que la billetterie rapporte aux artistes. Maintenant, si on prend... je peux vous parler de la structure de la rémunération des artistes, auteurs et autrices. Ah ben, en effet, oui. Ça, je peux vous faire ça. Alors, c'est simple, hein. Globalement, vous avez trois types de rémunération. Et là, ça vaut pour toutes les catégories, hein. Plasticienne, parolier, écrivaine, tout ce que vous pouvez imaginer, scénariste, céramiste, peintre, enfin bref, tous les artistes qui sont à l'origine des œuvres, qui créent des œuvres, quelle que soit la catégorie artistique. Trois modes de rémunération principaux. Le premier, ce sont les droits d'auteur. Donc ça, c'est le mode historique, hein, celui qui émerge à partir de la Révolution française, où à ce moment-là, par exemple, moi je suis auteur, quand je touche des droits d'auteur, je ne suis pas payé parce que je suis un travailleur ou parce que j'ai travaillé. Je suis payé parce que j'ai fait quelque chose dans le passé qui est resté sous les radars. À la limite, on s'en fiche, on ne sait pas ce que c'est, mais ça m'a rendu propriétaire du contenu de mon œuvre. Donc mon œuvre devient un patrimoine, c'est vraiment ça, hein, la logique du droit d'auteur. Et si ce patrimoine est exploité sur un marché, le marché de l'édition, le marché de la musique, le marché de l'art, il va produire une rente, ce qu'on appelle dans le langage courant les droits d'auteur, ou les royalties dans les pays anglo-saxons, et cette rente va venir éventuellement compenser le fait que je n'ai pas été payé pour mon travail. Donc, vous voyez, c'est un outil extrêmement indirect qui fait que je suis... payé parce que je suis propriétaire et pas travailleur, ce qui induit le type de concentration patrimoniale dont j'ai parlé dans ma première réponse. C'est un mode de rémunération qui est violemment inégalitaire et qui attache la rémunération des artistes à la performance de leur œuvre. Voilà, ça, c'est très important de comprendre ça. Et c'est le mode historique, mode qu'on retrouve principalement chez les écrivaines, écrivains, chez les parolières et paroliers, mais qui va être beaucoup moins présent, par exemple, dans les arts plastiques. Premier mode de rémunération qui fonctionne assez mal et qui est plutôt sur le recul, je dirais, depuis 20 ou 30 ans. Le mode de rémunération qui est en train de prendre le pas sur les droits d'auteur au sens strict, sur les royalties, c'est ce que j'appelle les honoraires. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, auteur ou autrice, on est amené à faire des factures en permanence. Quand je vais faire une intervention en éducation artistique et culturelle, quand je vais vendre une conférence, quand je vais faire un workshop, comme on dit, quand je vais vendre une œuvre unique, je vais produire une facture. Donc j'ai un SIRET, et j'établis une facture, et je suis payé à la pièce ou à la tâche. Donc là, on est typiquement dans le cadre du travail indépendant où je suis payé à la performance. C'est le mode de rémunération typique dans le capitalisme et c'est ce qui est en train de prendre l'ascendant sur le droit d'auteur dans la structure de rémunération des artistes-auteurs. Donc vous voyez, là, on n'est pas dans le cadre de la billetterie. La billetterie, c'est plutôt du côté du droit d'auteur, on va dire. Et enfin, le troisième mode de rémunération typique pour les artistes-auteurs et autrices, ce sont les aides à la création. Moi, c'est ce que j'appelle le mode palliatif. C'est ce qui vient reconnaître l'inefficacité des deux premiers modes de rémunération. Et donc, la logique, c'est je suis un artiste, donc je fais quelque chose qui est plus ou moins apprécié par la société. On se dit, bon, c'est joli, c'est sympa, ça fait plaisir. Mais malheureusement, je suis un incapable sur le plan économique. Donc, on va venir, que ce soit la puissance publique ou des fondations privées, on va venir m'aider, on va venir pallier le fait que je suis incapable de m'en sortir seul sur le plan économique. Voilà ce que je peux dire. J'ai pas répondu précisément à la question, mais ça donne un ordre d'idée de comment ça se passe aujourd'hui pour les artistes, auteurs et autrices. Et en effet, donc le mode subvention supplante un peu le précédent ou pas ? Les honoraires, qu'est-ce qui est le plus fréquent ? Je dirais que c'est plutôt les droits d'auteur qui paraissent, au sens strict, hein, les droits d'auteur qui sont, pour des gens qui connaissent pas très bien la profession, qui peuvent paraître l'élément central. Alors c'est vrai que c'est très structurant pour le statut des artistes, auteurs et autrices, mais en termes quantitatifs, c'est pas forcément le plus important. Moi, je dirais que le plus important aujourd'hui, ce sont les honoraires et les aides à la création. Après, dans quelle proportion, je sais pas exactement, ça c'est pas des chiffres que nous avons pour l'instant. Mais voilà, on peut dire que le travail indépendant, dont la faiblesse est compensée par des aides à la création qui sont distribuées sur un mode très concurrentiel, hein, aussi. Il faut préciser ça. C'est pas des aides distribuées de façon universelle ou que sais-je. Ce sont des aides qui sont distribuées sur appel à projet, sur concours. Donc à chaque fois, il faut être en concurrence avec les autres artistes et, disons-le crûment, les écraser pour accéder à ces ressources rares. En effet. Ce qu'on évoque aussi, mais qui doit correspondre à votre troisième mode de rémunération, c'est le statut de l'intermittence. Ça fait partie des sujets dont on voulait parler aujourd'hui. Et imaginons que nous soyons ici totalement néophytes sur le sujet. Comment on peut le présenter et comment ça fonctionne, à qui ça s'adresse ? Alors donc là, on est sur une autre catégorie d'artistes. Quand vous regardez le code de la propriété intellectuelle, ça vaut en France, mais dans tous les pays, on va nous expliquer que on a deux familles. D'un côté, les artistes créateurs et créatrices, ceux que j'ai appelés auteurs et autrices. Donc ça, ce sont les personnes qui sont à l'origine des œuvres, qui créent les œuvres. Et de l'autre côté, vous allez avoir les interprètes. Donc ça, ce sont les personnes qui jouent les œuvres. C'est par exemple un acteur, c'est une musicienne, c'est un comédien de théâtre. Ce qu'on appelle le régime de l'intermittence aujourd'hui en France, ça concerne que cette seconde catégorie. Que les interprètes. Voilà. Donc, ça va, c'est clair jusque-là ? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, le régime de l'intermittence, c'est un régime d'assurance chômage, donc c'est pas un statut. Le statut des intermittents, c'est salarié. En version développée, c'est salarié intermittent du spectacle. Et les intermittents du spectacle ont accès à une annexe spécifique de l'assurance chômage qui leur donne droit à l'indemnisation du chômage. Donc là, à mon avis, moi, la lecture que j'en fais, c'est quelque chose qui est radicalement différent des aides à la création. Les aides à la création, c'est quelque chose de spécifique qui vient justement soutenir, aider des incapables économiques. Le régime de l'intermittence, c'est tout à fait autre chose. Vous êtes salarié, donc vous avez des contrats de travail, vous faites des cachets. Un cachet par convention, ça vaut 12 heures pour l'assurance chômage. C'est-à-dire que si vous passez une heure et demie sur scène pour un spectacle, ça vaut 12 heures pour l'assurance chômage. Une fois que vous avez fait 43 cachets au moins dans l'année, sur les 12 derniers mois, vous avez passé les fameuses 507 heures. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des 507 heures des intermittents. Voilà. Une fois que vous avez passé les 507 heures qui correspondent en gros à 3 mois dans l'emploi permanent, vous accédez à l'indemnisation du chômage. Alors, qu'est-ce que c'est que l'indemnisation du chômage ? Vous êtes dans une caisse commune, l'UNEDIC, qui est gérée par l'UNEDIC, c'est l'assurance chômage, c'est une caisse qui est commune à l'ensemble des travailleuses et travailleurs du privé, encore, c'est pas une caisse fixe, l'intermittent, enfin, c'est la même caisse pour tout le monde. Mmh. Et cette caisse, elle socialise une partie du salaire par la cotisation. Et entre les contrats de travail, entre les cachets, vous allez bénéficier de la poursuite de votre salaire. C'est-à-dire que temporairement, le salaire passe du contrat à la personne. Et donc, vous avez finalement discontinuité de l'emploi, discontinuité des contrats de travail, mais une continuité du salaire et une continuité du statut de salarié. Ça, c'est très important. C'est une logique qui est différente de l'aide. Là, on est plutôt dans le cadre de la permanence du salaire et dans ce qui ressemble, à mon avis, et je m'inscris là dans les pas de Bernard Friot, évidemment, à un début de déconnexion entre le salaire et l'emploi et un début de reconnaissance du statut de travailleur ou de travailleuse en dehors de l'emploi. C'est comme ça que je lis l'intermittence. Et donc, du coup, si on résume, l'intermittence, c'est vraiment lié à un travail effectué à une heure donnée, à un moment donné. Et le régime précédent qu'on décrivait, il est plutôt lié à un objet qui donne le droit d'auteur, qui donne une compétence. Complètement. C'est vrai que alors, on peut pas vraiment parler de statut pour les artistes, auteurs et autrices. C'est plutôt un micmac, un bric-à-brac de différents bouts de statut. Mais c'est très, très lié effectivement à l'objet et à la commercialisation du produit du travail. Alors que du côté de l'intermittence, on commence à être dans un droit de la personne en tant que travailleuse. Ok. Alors moi, j'aurais une question du coup. Bon, là, on va rentrer un peu sur le... on est comme pleinement dans le fonctionnement et les apports de l'intermittence. Et justement, vous avez proposé d'assurer une continuité des revenus à d'autres acteurs ou actrices de la culture. Donc, oui. Et comment faire en fait ? Alors donc, le projet que je proposais dans mon bouquin, Notre condition, mais qui a été transcrit dans une proposition de loi dont on va parler, c'est de faire entrer justement cette autre catégorie d'artistes, que sont les artistes auteurs, autrices, donc créateurs, créatrices, dans l'assurance chômage, pour que ces personnes, ces professionnels, puissent également bénéficier de cette continuité du statut et de cette continuité de la rémunération comme un droit économique. Alors ça marche de façon assez simple. Il se trouve que les artistes, auteurs, autrices ne sont jamais salariés, hein, je l'ai dit, hein, il n'y a jamais de salaire au sens propre, il n'y a jamais de contrat de travail, il n'y a jamais emploi. Je rappelle hein, brièvement, donc les rémunérations, ce sont les droits d'auteur, donc là je suis payé en tant que propriétaire intellectuel. Ce sont les honoraires, donc là je suis dans le cadre du travail indépendant, un peu comme des travailleurs ubérisés. Et enfin, ce sont les aides à la création, donc là je suis aidé. Donc on n'a jamais de salaire. Et pourtant, depuis la fin des années 70, les artistes, auteurs et autrices, toutes catégories confondues, ont un régime de sécurité sociale qui leur donne les mêmes droits que les salariés pour l'assurance maladie, pour la retraite et pour les prestations familiales. Alors, je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'on donne des droits de salariés à des gens qui ne sont pas salariés ? Ça, c'est une question qui, à mon avis, est très importante parce que dans le cadre de mobilisation de classe, on va dire, ça va permettre aussi d'intéresser les indépendants à des problématiques qui semblaient réservées aux employés. Le patronat n'aime pas trop ce genre de... Voilà. de rémunération, on va dire. Mais on compte bien l'embêter un peu. Hein. Je oui, vous oui. Le cache pas. Donc, l'idée, c'est que on prend l'ensemble des rémunérations des artistes, auteurs, autrices, hein, droits d'auteur, honoraires et aides à la création. On fait un total chaque année. Donc, admettons que j'ai gagné l'année dernière 6 990 € comme auteur. Eh bien, la Sécurité sociale va diviser ce montant par le taux horaire du SMIC. Aujourd'hui, le taux horaire du SMIC, c'est 11,65 € brut, si j'ai bien révisé. Donc, je connais hein, la formule, hein, je suis pas aussi fort que ça en calcul de tête, je l'ai déjà préparé, mais 6 990 par le taux horaire du SMIC, aujourd'hui ça fait 600 heures SMIC. La Sécurité sociale va estimer que j'ai fait 600 heures payées au SMIC. Alors, connaissant mon activité, si j'ai touché 6 990 €, j'ai sans doute fait plus de 600 heures effectives, mais c'est pas très grave, l'important c'est de voir comment, par un jeu d'écriture, on va ouvrir des droits puissants à des indépendants, hein, des droits qui sont beaucoup plus puissants que le régime de la micro-entreprise. Et à partir de là, à partir du moment par exemple où j'ai fait 600 heures SMIC, je valide une annuité pour la retraite et je peux théoriquement avoir la même retraite qu'un salarié du privé. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc pendant longtemps, on nous a dit, vous pouvez pas avoir d'intermittence, enfin les artistes, auteurs, autrices ne peuvent pas avoir l'équivalent de l'intermittence, parce que vous faites pas des heures. Et ben en fait, si. Tout notre travail pédagogique, ça a été de montrer que, bah, par exemple, aux yeux de la Sécu, on fait déjà des heures. Et qu'on peut faire exactement la même chose du côté de l'assurance chômage. Voilà, je ne sais pas si on rentre tout de suite dans le détail de la proposition de loi, mais en gros, l'idée, c'est de transposer ce qu'on fait déjà du côté de la Sécu à l'assurance chômage pour ouvrir aux artistes, auteurs et autrices les mêmes droits que les interprètes. D'accord. Enfin, ça ressemble beaucoup au système Friot, tout ça. Et votre revendication a pu trouver sa place à l'Assemblée via la proposition de loi de Pierre Dharréville, du groupe communiste. Oui. Comment le texte a-t-il été reçu ? Très bien. Très, très bien. Beaucoup mieux que ce qu'on imaginait. Pour vous expliquer un peu, on a commencé à travailler sur cette proposition en 2021 dans un groupe extrêmement divers, puisqu'il y avait des camarades de la CGT, des camarades de la CNT Solidarité Ouvrière, des gens de la commission culture du Parti communiste, une éditrice, des gens qui n'étaient affiliés à aucune organisation. Moi, j'ai été au titre du collectif dont je fais partie, l'Abuse. Et nous avons commencé à rédiger un texte de loi qui expliquait très concrètement comment on fait entrer et sous quelles conditions les artistes, auteurs et autrices dans la caisse commune de l'assurance chômage. Il se trouve qu'entre-temps, il y a eu les élections présidentielles et législatives de 2022, donc la première proposition qui avait été déposée à l'Assemblée est tombée à l'eau. On l'a redéposée en 2023, et pour préparer ce nouveau dépôt, on a fait une tournée avec les organisations que je viens de citer. On a fait une grande tournée à partir de décembre pour aller expliquer sur les lieux de travail des artistes, auteurs et autrices, par exemple dans les centres d'art, dans les salons du livre, pour expliquer ce qu'était cette loi, ce qu'elle allait changer pour les artistes, auteurs et autrices, pourquoi elle était bénéfique pour tout le monde. On a fait une petite brochure aussi que vous pouvez trouver en ligne sur un site qui s'appelle continuité-revenu-au-pluriel.fr. continuité-revenu.fr. Et on est allé la porter un peu partout. Et en février 2023, au moment où on a vraiment redéposé la proposition de loi, nous avions le soutien d'une quarantaine d'organisations professionnelles dans tous les secteurs de la création, musique, littérature, audiovisuel, art plastique. Et juste avant que le roi de France dissolve l'Assemblée, nous avions la signature de députés issus de 9 groupes parlementaires sur les 10 que compte l'Assemblée nationale, y compris un macroniste. Donc on était sur le point d'entrer en commission des affaires sociales, et malheureusement, le monarque en a décidé. Dissolution. Voilà. C'est très consensuel, c'est l'objet, ces revendications, c'est quand même assez, assez partagé dans l'arc, dans les groupes politiques. Bah, disons qu'on a été surpris parce que on a eu le tampon de députés des Républicains, du Modem, d'Horizon, et pour finir donc un député macroniste, c'est quand même la majorité qui a fait le plus de tort à l'assurance chômage sur les 40 dernières années. Et là, ils étaient prêts à voter, ils étaient prêts à mettre leur signature sur un projet qui proposait quand même de faire entrer 180 000 nouvelles personnes dans l'assurance chômage, dont, d'après nos estimations, à peu près 80 000 auraient accédé à l'indemnisation. C'est pas rien, c'est pas une broutille. D'accord. Ouais, donc si on fait les calculs, il y a un groupe parlementaire, c'est ça, qui n'a pas donné son accord, et bon... Voilà, puis il y a un groupe parlementaire à qui ça n'a pas été proposé, et c'est un groupe... Et devinez lequel, on croit le connaître. D'accord, et cette proposition, est-ce qu'il y a des conditions techniques difficiles à mettre en œuvre? Parce que vous avez l'air de dire que c'est d'un simple geste de crayon, en fait, c'est pas si compliqué que ça techniquement à mettre en place. Alors c'est très simple, globalement c'est très simple, je peux vous l'expliquer rapidement. Après, vas-y. ça peut poser des problèmes de subtilité, on va dire pour les personnes qui sont à cheval sur deux régimes. Par exemple, on a quand même un certain nombre de gens qui sont à la fois dans l'intermittence et qui ont aussi des revenus d'auteur. Donc là, il y a des subtilités. qu'on était sur le point d'aborder avec les concernés pour régler les détails techniques. Maintenant, fondamentalement, c'est assez simple. Hein, il s'agit d'écrire dans un article de loi que les artistes, auteurs et autrices ont droit à l'assurance chômage. Voilà, ça c'est vraiment le truc de base. Donc on rentre dans la caisse commune. Donc comme je l'ai dit, ça fait potentiellement 180 000 personnes, dont environ 80 000 accéderaient à l'indemnisation vu les critères qu'on a fixés. Les critères qu'on a fixés sont les suivants. À partir du moment où, en tant qu'artiste, auteur, autrice, vous déclarez au moins 300 heures SMIC sur les 12 derniers mois, ce qui correspond à 3 500 € de revenus artistiques, pour vous faire la conversion, vous accédez à l'indemnisation. À partir de ce moment, entre vos ventes, entre vos contrats, entre vos piges, je ne sais pas comment on peut appeler ça, bref, tout ce que vous pouvez imaginer comme type de boulot intermittent des artistes, auteurs et autrices, entre ces périodes où vous êtes rémunéré directement, par vos diffuseurs, comme on dit, eh bien vous allez bénéficier de la continuité de votre revenu. Hein, l'assurance chômage va remplacer un pourcentage de votre revenu de référence. Et nous avions fixé un seuil plancher, un seuil minimal d'indemnisation, à 1 200 € net, 85% du SMIC. Personne en dessous de 1 200 €. Alors, on avait commencé à affiner un peu, puisque une autre caractéristique des revenus des artistes auteurs et autrices, c'est qu'on peut toucher pas mal d'argent d'un coup, par exemple sur une bourse, et ensuite plus rien pendant des mois. Par exemple, ça peut durer longtemps. Donc l'idée, c'était d'actualiser un peu ça et de voir si on pouvait pas faire un seuil glissant, par exemple en disant qu'on allait remonter sur les 3 dernières années pour trouver 900 heures SMIC. Voilà, si on trouve pas 300 heures SMIC sur la dernière année, on peut remonter sur 3 années pour trouver 900. Ça évite les décrochages en cas d'année creuse. Voilà, c'était les paramètres de notre proposition de loi. Et comme il faut toujours un apport, hein, l'ouverture d'un nouveau droit demande un apport, un financement en quelque sorte, nous proposions que l'équivalent de nos employeurs, qu'on appelle les diffuseurs, c'est-à-dire les maisons d'édition, les centres d'art, les sociétés de production audiovisuelle, les sociétés de production cinématographique, payent plus de cotisations patronales, l'équivalent de la cotisation patronale, puisqu'aujourd'hui les diffuseurs ont un taux de cotisation patronale globale qui est de 1,1% du brut. Pour comparaison, dans le spectacle vivant, c'est 46% du brut. Traduction, en tant qu'auteur, quand je touche 100 € de rémunération brute, mon diffuseur verse en plus 1 € pour la sécurité sociale et 10 centimes pour ma formation professionnelle. Du côté du spectacle, si une chanteuse lyrique, par exemple, touche 100 € de salaire brut, son employeur va verser en plus 46 € de cotisation. Vous voyez la différence, 1,10 €, 46 €, qui explique en grande partie l'absence de droits des créateurs et créatrices. Eh bien, on proposait de combler en partie ce trou en ajoutant la part chômage de la cotisation patronale à la contribution diffuseur. Ouais, il s'agit de réaligner en fait des processus de rémunération par cotisation. Voilà, tout à fait. Plus de salaire, mais pour le coup, plus de salaire socialisé, plus de salaire commun. Mmh. Alors, une question un peu d'ouverture que j'avais écrite sur le contexte des attaques sur le droit d'auteur, parce que on a parlé un petit peu de, enfin, on a l'émergence des intelligences artificielles génératives qui exploitent énormément de contenus pictural, textuel, des articles, même des vidéos. Et en fait, bon, on a une histoire récente aussi avec le piratage de contenus musicaux qui a beaucoup, oui, beaucoup de faits de tort à la rémunération des artistes qui ont dû changer de modèle. Alors, comme vous, je n'ai pas trouvé de chiffres suffisamment satisfaisants pour savoir comment le modèle avait évolué, mais a priori, effectivement, pour les acteurs du secteur musical, il y a une rémunération par les disques qui est devenue insignifiante. Et donc, du coup, ma conclusion là-dessus, c'est est-ce qu'une proposition comme celle-ci, elle pourrait renforcer et elle pourrait être une ouverture pour essayer de, je ne sais pas, dédommager ou aider des artistes qui pouvaient avoir une source de revenus qui va tarir parce que leur création est utilisée dans des IA génératives ou malheureusement partagée sans rémunération sur Internet, enfin, contre leur volonté, imaginons. Alors, dédommager ou aider, non. Contre, contribuer à changer le paradigme de la rémunération et de la reconnaissance du travail artistique, oui. ça clairement. Aujourd'hui, le gros problème, c'est que, comme on l'a dit en introduction, la rémunération et la validation du travail artistique est très liée à la diffusion et à l'exploitation d'un objet qui est l'œuvre, d'un objet immatériel qui est l'œuvre d'art. Donc, à partir du moment où l'œuvre d'art n'a plus une espèce de droit de douane, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on l'utilise, à chaque fois qu'on l'écoute, à chaque fois qu'on la regarde, on va payer ce qu'on appelle un droit d'auteur, une espèce de droit d'usage. À partir du moment où ces droits d'usage sont difficiles à contrôler à cause, par exemple, d'Internet, ce qui est une très bonne chose à mon avis, commencer à penser que finalement l'utilisation ou l'écoute de votre œuvre ou la lecture de votre œuvre est un problème si elle n'est pas rémunérée. Donc vous allez avoir tendance à essayer de contrôler à tout prix l'usage de l'œuvre et sa circulation, quitte à la restreindre drastiquement pour la ramener dans un cadre strictement marchand. Ça, à mon avis, c'est un énorme problème. Alors que les intelligences artificielles génératives puisent dans des stocks d'œuvres qui sont sous droit d'auteur ou pas, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui circulent en Creative Commons ou en licence libre, et les IA tapent beaucoup là-dedans. Ça, évidemment, c'est un problème dans la mesure où on sait que derrière, on a des boîtes capitalistes de Californie dégueulasses qui font des profits énormes là-dessus et qui volent littéralement un stock, enfin qui, c'est pas qui volent, mais qui ont une logique extractiviste, un peu comme on viendrait complètement épuiser un sol en prenant tout ce qu'on peut y trouver. Ça, c'est évidemment un problème. Mais il y a un autre problème, c'est que la rémunération des artistes est liée à un droit de péage, quoi, sur l'utilisation des œuvres. Ça, à mon avis, c'est très mauvais. Et avec cette proposition de loi, on commence à décentrer, si vous voulez, l'attention et la mobilisation des artistes de l'exploitation de l'œuvre. C'est-à-dire de passer de mobilisation pour la propriété, pour l'extension de la propriété intellectuelle, pour le durcissement de la propriété intellectuelle, à des mobilisations pour acquérir des droits de travailleuses et travailleurs et pour acquérir en quelque sorte des droits politiques. Des droits politiques au salaire, des droits politiques à la gestion de l'économie culturelle. Et ça, à mon avis, c'est beaucoup plus porteur. C'est-à-dire que je porte pas la parole de tous mes camarades. Hein. Là, c'est quelque chose qui est très personnel et que je développe dans mon ouvrage sorti en 2020. Moi, des œuvres qui circulent totalement librement dans une économie qui est non capitaliste, ça, je trouve ça formidable. Les maisons d'édition peuvent continuer de vendre des livres, les maisons de disques de faire tourner des morceaux. Simplement, ce n'est plus l'usage de l'œuvre c'est plus l'exploitation commerciale de l'œuvre qui va en soi déterminer la rémunération de sa créatrice ou de son créateur. C'est à l'échelle globale une économie qui va être cotisée dans une caisse qui va permettre d'attacher du salaire à la personne qui va être détachée de la performance de son œuvre. Voilà. Et je pense que avec la proposition de loi pour la continuité de revenus, on commence à se mettre sur cette voie où la rémunération serait décorrélée de la performance de l'œuvre et nous permettrait d'aborder différemment la question de la circulation des œuvres d'art. Oui, alors effectivement, l'autre question qui se poserait, justement, est-ce que des cotisations à une caisse permet, du coup, à l'envers, une certaine indépendance par rapport à l'État et des puissances d'argent ? Oui, bien sûr. Alors, il faut revenir aussi à ce qu'était le projet du régime général de sécurité sociale pour comprendre en quoi nous gagnons en autonomie, notamment par rapport à l'État. C'est-à-dire que, bon, là, je m'appuie évidemment sur les travaux de Bernard Friot et de ses collègues, notamment de la fac de Nanterre. En 46, quand le régime général est créé, c'est une administration qui revendique en quelque sorte un slogan qui pourrait être ni État ni patron. C'est-à-dire qu'évidemment, on essaye de sortir le patronat de la gestion de la Sécu, mais on essaye aussi d'être indépendant de l'État. C'est-à-dire qu'au début, le régime général de Sécu, il n'est pas géré par la haute fonction publique. Dans les caisses, on a des conseils d'administration, c'est des caisses associatives, hein, déjà les caisses de sécurité sociale encore aujourd'hui, et on a des conseils d'administration qui, à l'époque, sont composés aux trois quarts de représentants élus par les salariés. Et ensuite, ces représentants élisent le directeur de caisse. Donc on est dans le cadre d'une forme de démocratie sociale qui n'est pas l'État. Alors l'État, évidemment, ça n'a jamais été complètement autonome de l'État. L'État conserve la définition du taux de cotisation, par exemple, des choses quand même importantes. Mais on a une gestion de la sécurité sociale qui est faite, comme on disait à l'époque, par les intéressés eux-mêmes. Donc à partir de là, la cotisation, c'est une partie du salaire, hein, c'est le salaire qu'on va mettre en commun pour l'utiliser autrement, pour faire du salaire hors de l'emploi, pour les retraités, pour les parents, pour les gens qui sont pas dans l'emploi. Et tout ça va être géré par les intéressés eux-mêmes, sachant que dès les années 60, le budget de la sécurité sociale est déjà supérieur à celui de l'État. Donc ce sont les intéressés eux-mêmes qui gèrent un budget supérieur à celui de l'État. Et là, on est dans quelque chose qui potentiellement a une dimension révolutionnaire. Et évidemment, le patronat n'ayant que un quart des voix dans ce système, nous sommes relativement autonomes à la fois du patronat et de l'État. Et c'est bien ça qu'on essaye de viser à travers notre proposition. D'accord. Et selon vous, qu'est-ce que ça permettrait donc, pour les artistes eux-mêmes, au niveau de leur création, leur liberté d'expression, de l'usage de formes, sur toute la création artistique? Je pars du postulat que beaucoup de révolutions artistiques ont été étroitement liées à des transformations économiques structurelles. Je pense à l'apparition du marché, par exemple, qui a changé les formes. Et j'imagine que cette transformation du statut des artistes aurait des répercussions, y compris sur la créativité et sur les formes. Maintenant, vous dire quoi ? Je peux pas l'anticiper. Et comme vous l'avez dit en introduction, il s'agit surtout pas d'expliquer ce que doit être la culture, ce que doit être la création artistique, mais à mon avis, d'avoir cette liberté et d'avoir cette co-responsabilité donnerait des résultats surprenants. J'ajoute que aujourd'hui, nous avons des artistes qui, bien que n'étant pas employés, n'ayant pas de contrat de travail, sont dans une forme de subordination structurale, on peut le dire comme ça, puisque ils passent leur temps à répondre à des appels à projets, par exemple. Moi, j'ai plein d'amis qui sont plasticiennes, par exemple, et leur vie, c'est de faire des dossiers pour répondre à des appels à projets de communautés de communes, de mairies, de régions, de la DRAC ou du Centre National des Arts Plastiques. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut parler de liberté de création? C'est une question évidemment rhétorique. C'est un peu comme pour les associations, quoi, répondre à des appels à projets. Voilà, le financement par projet, sur critères managériaux, donne un appauvrissement et une standardisation de la création. Mais le marché aussi, d'une certaine manière. Le marché a été libérateur à une certaine époque. Aujourd'hui, c'est un puissant pilotage invisible, assez masqué de la création. Et le marché a un goût, évidemment. Et on est tenté de se calibrer pour répondre au goût du marché. Moi, par exemple, pour vous donner un cas précis, quand j'ai voulu me professionnaliser comme auteur, spontanément, mon premier geste, ça a été d'écrire un roman, alors que je n'écris pas de roman. J'aime ça, j'aime les lire, mais j'en écris pas. J'ai écrit un roman sans réfléchir, parce que c'est ce qu'il y a dans les librairies. Voilà. Et que je me disais que c'était la seule chance de me professionnaliser, c'était de nous conformer à cette forme roman. D'accord. Et je me permets, est-ce qu'il y a aussi une façon de répartir les revenus? En fait, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé en introduction, mais est-ce qu'il n'y a pas des sur-revenus, des bénéfices importants de la part des diffuseurs et qui, du coup, par cette cotisation, seraient redistribués par cette continuité de salaire à des personnes qui travaillent dans le milieu de la culture? Bien sûr, oui, c'est pour ça que l'enjeu de la cotisation est très important. Alors, on parle souvent par exemple, d'une taxe sur le marché de l'art ou de choses comme ça. Moi, je suis assez réservé sur cette idée. Ça peut être bon, on va dire, dans une logique palliative, quoi, si on peut pas faire mieux. Ça peut être une bonne chose, par exemple, d'aller taxer les bénéfices que font les maisons de vente ou de taxer les profits des gros groupes d'édition pour faire des dispositifs d'aide à la création, on va dire, un peu plus transparents et plus justes. Ça, pourquoi pas? Mais le top, à mon avis, ça reste la cotisation sociale pour ouvrir des droits transversaux, des droits de travailleuses et travailleurs qui seraient communs pas seulement aux artistes, mais à tous et toutes. et qui commence à attacher le salaire à la personne. Et c'est comme ça qu'on va réduire les inégalités. C'est en commençant à avancer vers l'égalité de statut de l'ensemble des travailleuses et travailleurs. Un premier apaisement, en fait. Voilà, c'est ça. Ben, très bien. Je pense qu'on a fait le tour des questions que vous voulez traiter. J'imagine du coup que votre projet de loi est rangé bien au chaud et pourra revenir dans la prochaine assemblée. Oui. Alors, le projet, on l'a toujours sous le coude. Il demande quand même à être actualisé, à être précisé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des tas de subtilités en termes de mise en application. Puisqu'on va rencontrer des cas atypiques, des cumuls de régimes, des cumuls de statuts. Mais on a quand même le projet, il est bien abouti. On était sur le point aussi de sortir une nouvelle édition de notre brochure explicative de la proposition avec une FAQ, avec une foire aux questions, qui tentait d'apporter des réponses à toutes les questions et toutes les objections qui nous ont été formulées quand on a fait cette grande tournée là entre décembre et mai. Donc tout ça, c'est toujours là. On a toujours cette belle matière qui s'actualise en permanence. Mais en revanche, tout le travail de diplomatie parlementaire, on va dire, qui avait été fait par Pierre Dharréville, est perdu. Hein. Là, on avait une soixantaine de députés de 9 groupes qui avaient signé la proposition. Tout ça est perdu et on ne sait pas encore ce qui en sera pour la prochaine législature. Donc c'est quand même un coup dur, hein, on ne va pas se mentir. Oui, enfin le travail législatif, je ne comprends pas que vous puissiez dire qu'il est perdu. Bah, j'imagine en fait pour les députés qui seront reconduits et qui ont signé, ça va le faire. Mais ouais, ce que vous voulez dire en fait, c'est qu'on ne sait pas sur la nouvelle assemblée... les nouveaux qui ne sont pas signataires, ce qui va se passer, d'autant plus... Voilà, c'est des nouveaux rapports de force, c'est un nouvel équilibre parlementaire, et c'est en plus un député, Pierre Dharréville, qui est dans une situation très incertaine dans les Bouches-du-Rhône, là, dans la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône, si je ne me trompe pas. Mmh. Potentiellement, la situation va être totalement bouleversée au niveau de l'Assemblée. Et vous nous redites le site, s'il vous plaît? Le site, oui, continuité-revenu avec un S.fr. D'accord. Et vous trouverez tout, la brochure en accès libre, des podcasts et des vidéos, des tournées, des événements qu'on a donnés. C'est très, très complet. Eh bien, merci beaucoup, Aurélien Catin, d'avoir été avec nous ce midi. On renvoie les auditeurs au site que vous nous avez cité. Et puis, à bientôt. Dans les luttes avec le collectif Labuse ou j'ai perdu réseau salarial. Avec le réseau salarial. Eh ben au plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, pour m'avoir laissé cet espace d'expression et merci à Attac. Et au plaisir pour se retrouver dans les luttes. Entendu. Au revoir. Alors comme ça, Marianne, t'en as repris pour 5 ans. Tout bien pesé, tu restes boniche au MEDEF. C'est vrai que des CDD qui durent aussi longtemps, sur le marché du travail, y'en n'a pas bézef. Tu t'obstines encore à vouloir lécher la main de ceux-là même qui t'envoient au tapin. Tu n'en as pas assez de te faire entuber et par-dessus le marché d'assumer les bébés. Les pauvres votent pour les riches, tant pis pour leurs niches, tant pis pour les prolos qui se retrouvent le bec dans l'eau. Heureusement que ton aïeul n'est plus là. À coup sûr, elle nous en aurait fait tout un plat. Tu n'y aurais pas coupé d'une belle engueulade pour avoir avalé n'importe quelle salade. Marianne, tu as gobé tout ce qu'on t'a présenté. Encore une fois, Marianne, tu t'es fait pipoter. C'est pas de la soupe, Marianne, c'est du rata. C'est pas de la merde, c'est pas de la merde, mais ça viendra. Les pauvres votent pour les riches, tant pis pour leurs miches, tant pis pour les prolos qui se retrouvent le bec dans l'eau. aurais-tu oublié le monde d'où tu viens? Celui des gueux, des sans-culottes, des moins que rien. Et quand on te fait jouer les starlettes dans les palaces, tu oublies un peu où se trouve ta vraie place. Voilà pourquoi Marianne t'en a repris pour 5 ans, en trahissant près de la moitié de tes enfants. Les mal logés, les mal payés, les mal lotis n'ont plus qu'à aller se faire cuire des macaronis. Les pauvres votent et pour les riches, tant pis, pour leur miche, tant pis pour les prolos qui se retrouvent le bec dans l'eau. Ô toi qui es fille de la Révolution, n'aurais-tu pas un peu oublié ta mission? Tu n'es pas là pour cirer les pompes aux nantis, mais pour cajoler et protéger les petits. Pense à ton aïeul brandissant son étendard, marchant fièrement en tête des communards. Comment peux-tu écouter tous ces politiques qui prônent le libéralisme économique? Les pauvres votent pour les riches, tant pis pour leurs miches, tant pis pour les prolos qui se retrouvent le bec dans l'eau. Les pauvres votent pour les riches, tant pis pour leurs miches, tant pis pour les prolos qui se retrouvent le bec dans l'eau. Et donc, c'était Michel Lebourg, Les pauvres ont voté pour les riches. Et vous êtes bien sur Radio Campus 106.6 FM, sur campuslille.com et DAB+. Et c'est l'émission Angle d'attaque. Et maintenant, ça va être les actualités d'attaque. Mais bien sûr. Alors, on va commencer par l'international et national d'ailleurs. Qui l'eût cru, le réchauffement climatique s'accélère et chaque année, les records de température sont battus. Les scientifiques de l'ONU sonnent l'alarme. Jamais un mois de mai n'avait été aussi chaud dans l'histoire des données au niveau mondial. Et puis, ce n'est pas seulement le mois de mai, il y a les autres aussi avant. Pourtant, les principales banques continuent de financer l'extraction et l'exploitation des combustibles fossiles. Attaque, forte à propos, publie là-dessus une note pour alerter sur ces financements carbone et formule des propositions pour empêcher les banques de fossiliser notre avenir. Cette note, dont le titre « Comment désarmer les banques toxiques » ne peut que rappeler un autre titre « Comment désarmer les marchés financiers » 25 ans déjà. Ce titre a apporté un sous-titre pas mal intéressant du tout, « Ne laissons pas les banques toxiques fossiliser notre avenir ». Ça, au moins, c'est clair. J'en dis simplement l'introduction. Le rapport de Banking on Climate, KO, 2024, a révélé en mai que 60 banques ont investi 6 900 milliards de dollars, alors vous me dire c'est un peu moins en euros, mais quand même, dans les combustibles fossiles depuis l'accord de Paris. C'est une bonne référence, l'accord de Paris. Généralement, quand ça déconne, on prend l'accord de Paris comme base. 705 entreprises en 2003. 705 milliards pendant en 2003. Malgré des engagements climatiques mondiaux. Le financement massif des banques internationales continue de contrecarrer les objectifs de réduction des émissions de CO2. Et pas seulement les banques. Vous pensez bien qu'Exxon n'est pas étranger à l'extraction d'énergie fossile. Et vous savez quoi ? Eh bien, les banques françaises ne sont pas en reste. Elles continuent de financer le développement des énergies fossiles de manière directe ou indirecte. Reste à deviner lesquelles. Didier, lesquelles ? Alors lesquels? Il y a BNP Paribas, il y a Crédit Agricole, il y a la Société Générale, il y a la Banque Populaire Caisse d'Épargne, la BPCE. Ben voilà. La Banque Populaire Caisse d'Épargne, je ne suis pas encore remis de ce titre. Bon, la note est évidemment à trouver sur le site d'Attaque France. Au point de vue national d'Attaque, donc on a eu une rencontre des comités locaux qui a lieu deux ou trois fois, donc qui réunit les comités locaux, comme son nom l'indique. Elle a été perturbée dans sa dernière manifestation, parce que le 15 juin, on était quand même beaucoup dans la rue. Donc, il y a des ateliers qui n'ont pas pu se tenir, et notamment notre atelier sur les transports gratuits, dont vous avez déjà parlé la dernière fois. Mais il y a eu d'autres ateliers, notamment sur l'assurance chômage. Et il y a eu aussi toute une matinée consacrée au rôle des comités locaux avec des propositions qui vont être faites, puisque l'AG en tant que telle n'a pas pu se produire. Mais bon, elle est remise en mai 2025 et ça sera à la fois une AG ordinaire et une AG extraordinaire, puisqu'il y a des questions de changement de statut et tous les adhérents pourront se prononcer là-dessus. Le débat aura lieu aussi au week-end stratégique de Saint-Gilles-Croix-de-Vie les 24 et 25 août. Voilà, donc c'était une bonne CNCL qui a été un peu perturbée par les événements. Ben, enfin, on ne va pas le regretter. Et en tout cas, dans la rue, on a beaucoup bougé, on a beaucoup crié, avec les Rosies notamment, et le camion d'attaque. Alors, il y a eu aussi un rassemblement attaque devant la Mels. Donc ça, c'était hier vendredi à 16h15. 16h15 très précisément, donc à l'heure où les portes de la Mels s'ouvrent pour laisser entrer les conseillers métropolitains. Donc leur fonction cet après-midi, c'était de voter le plan local d'urbanisme, le PLU 3. Alors pour les convaincre du contraire, une vingtaine d'associations ont distribué des tracts persuadant les conseillers du contraire, et avec juste raison. Donc que nous disent ces associations? Ben, qu'ATTAC fait plus que soutenir, puisque nous y participons pour plusieurs d'entre elles, hein, je pense à Chouigny, la Parc, à Nada notamment. Et ben, elles disent que ça suffit, le béton, pour remplacer des espaces de liberté comme la Friche Saint-Sauveur, que ça suffit le béton pour installer des hangars sur des terres arables, comme à Chouigny, ça suffit aussi de déplacer les pauvres pour loger les classes un peu plus moyennes et plus propres, comme ça se passe à Roubaix, comme ça se passe sur la Dole, au Bois Blanc. Et ça suffit de bétonner là où il y a des champs captants. En gros, ça suffit. Merde, excusez-moi. il s'emporte. Eh bien, moi, j'ai terminé avec toujours le local et attaque. Deuxième émission. deuxième temps. Mardi dernier, c'était la première d'attaque à l'univers. On avait annoncé Attaque fait son cinéma à Lille. Eh bien oui, c'est fait. Nous avons présenté un excellent documentaire. Ça se passait bien sûr au cinéma associatif L'Univers, 16 rue Danton à Lille, à Lille-Moulin. Le film, il s'agit de Les Doléances, et je vous fais le pitch en une minute. Parce que c'est pas complètement étranger, enfin voilà. Vous connaissez Macron qui a proposé, vous connaissez peut-être l'idée que la chose suivante, Macron a proposé aux Gilets jaunes d'écrire sur des cahiers, sur ce qui ne va pas. En gros, il a fait ses propres états généraux, comme Louis XVI. On va pas dire comment ça s'est terminé pour Louis, mais puisque nous ne faisons pas de politique aujourd'hui, c'est juré. Revenons donc au cahier de doléances. Macron fait la promesse de publier une synthèse des résultats. On connaît les promesses de Macron. Maintenant, on a l'expérience. C'est même allé jusqu'à l'interdiction de publication pour le cabinet qui a été chargé par Jupiter soi-même de faire une synthèse des travaux. Voilà. Cela dit, on ne fait pas de politique. Alors, donc, ce n'était pas prévu. Ce que n'a pas prévu le mari de Brigitte, c'est que, on dit qu'on ne fait pas de politique, hein, c'est que les maires des communes rurales ont profité de l'occasion pour ouvrir leur mairie et inciter les habitants à écrire. Un enseignement fort, nous dit le gars du cabinet. C'est un enseignement très fort, ce que nous dit le gars du cabinet. C'est l'immigration n'est pas un sujet. Alors, on ne va pas faire de politique, mais dans ces cahiers n'apparaissent pas l'immigration. Alors comment se fait-il que les mêmes communes votent comme elles votent? On ne fait pas de politique aujourd'hui. On va demander ça à Pascal Praud peut-être, mais on ne fait pas de politique aujourd'hui. Je termine en deux points. La réalisatrice nous a gratifié de sa présence et elle nous dit, entre autres choses, que le héros du film, Patrice d'Argeville, maire d'Augé-sur-Saint-Vincent, présentait au même moment le film à la demande du comité local Attaque Paris 14e, pardon. Voilà, et je ne peux pas terminer cette petite chronique sans oublier Flora, Benoît et Brigitte, les trois militants d'Attaque qui assurent notre présence à l'univers, et de quelle façon? Juste une petite parenthèse, donc le 29 octobre, il y aura donc toujours à l'univers un film sur justement la souffrance au travail, notamment à France Télécom, ça s'appelle Par la porte ou par la fenêtre. On espère avoir Patrick Ackermann qui était le dirigeant de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées. Voilà, on en reparlera, mais en tout cas, on prend date. C'est effectivement très important de prendre date. Alors, on va quand même peut-être faire une émission au mois de juillet, un CQNV quand même, sur la mort que nous voulons. Puisqu'il y a eu là aussi, c'est un petit peu ce qui est arrivé à notre invité, ce travail préparatoire d'une mort différente a été interrompu par la dissolution de l'Assemblée. Et donc, on va peut-être quand même en parler parce que la mort que nous voulons, c'est pas inintéressant quand même d'en parler, surtout que c'est un sujet qui est très chaud. On a parlé tout à l'heure de d'Arreville, c'est ça, qui lui n'est pas vraiment un progressiste dans le domaine. On en reparlera peut-être dans la prochaine émission qui doit être autour du 20 juillet. Le 20 juillet. Voilà, nous vous souhaitons un bon vote demain. Bon vote la semaine prochaine et on espère vous retrouver dans des conditions dans les meilleures conditions, on ne va pas dire. Sinon, on va faire de la politique. À bientôt sur le 106,6 MHz, sur DAB+, ou sur campuslille.com. Fallait que je me trouve un taf de flemmard, un truc de sonard, taillé pour les lafards. Alors j'ai choisi un job pour les cancres, un vrai métier de banque, profession salle de la banque. Ma mère voulait que je devienne instituteur, mais j'ai pas créé l'eau chaude ni le fil à couper le beurre. Alors j'ai choisi un job pour les cancres, un vrai métier de banque, profession salle de la banque. J'aurais pu être un sportif de très très haut niveau, peut-être footballeur, mais j'avais pas les abdos. Alors j'ai opté pour championnat de PlayStation, assis dans mon canapé, je suis le roi de l'accélération. Mais pas de bol, j'ai fini sur un coup dur, j'ai stoppé ma carrière pour cause de blessure. Je me suis cassé le pouce en forçant sur la manette. Résultat, un an d'arrêt, maintenant j'ai la charrette. Donc a fallu que je me trouve une nouvelle motivation, un truc moins physique que sport de salon entre deux siestes. J'ai eu comme une révélation. Je me suis dit qu'il fallait que je passe à l'action. Un stylo bic et un cahier à spirale, une sono full clip avec un son qui fait mal, avec des rimes et des rêves plein les mirettes. Me v'là équipé pour sauver la planète. Fallait que je me trouve un taf de flemmard, un truc de sonard taillé pour les lafards. Alors j'ai choisi un job pour les cancres, un vrai métier de banque, profession salle de la banque. Ma mère voulait que je devienne instituteur, mais j'ai pas créé l'eau chaude ni le fil à couper le beurre. Alors j'ai choisi un job pour les cancres, un vrai métier de banque, profession salle de la banque. Salle de la banque, c'est le caillou dans la chaussure, l'agitateur libre qui défie la censure. Voilà 15 piges que partout je fous la foire, comme un troubadour que je raconte mes petites histoires d'adolescents attardés qui rêvent d'un monde meilleur, qui rêvent d'égalité, qui dans sa chambre a trop écouté Bob Marley en dormant, poing serré devant le poster du Che. Ouais, j'avoue, y'a pas de quoi se la raconter, d'être fier, de glander toute la journée. Mais c'est pas de la fainéantise, je peux te le jurer, depuis tout petit j'ai un problème avec l'autorité, moi pas comprendre quand patron dit travailler, moi pas obéir au chef qui crie toute la journée. Même si moi pas ramener d'argent à ma banque, bah tant pis, je resterai sale ta banque. Fallait que je me trouve un taf de flemmard, un truc de sonard taillé pour les lèvres. Alors j'ai choisi un job pour les cancres, un vrai métier de banque, profession sale ta banque. Ma mère voulait que je devienne instituteur, mais j'ai pas créé l'eau chaude ni le fil à couper le beurre. Alors j'ai choisi un job pour les cancres, un vrai métier de banque, profession sale ta banque. Votre nom? HK. Oui. Votre profession? Saltimbanque. Non, votre métier, votre travail, quoi ça? Poète, musicien. Mais je vais vous faire perdre mon temps, monsieur. Mes parents voulaient que je sois quelqu'un, que je travaille dur, pour pas que je finisse par fouiller dans une belle ordure. Ils me voyaient architecte ou directeur de banque. J'ai choisi une autre voie, profession saltimbanque. On m'a dit de me lever tôt, pas faire le feignant. J'ai donc réveillé tout le monde en chantant debout là-dedans. En mission sur les routes pour faire sauter la banque. Bandit de grand chemin, profession saltimbanque. Nos parents ce son, tu es à la tâche, 13 heures par jour, parfois 7 sur 7 sans relâche, les miens, se lever avant le soleil à 3h du mat, le travail c'est la santé, va dire ça aux petits chinois qu'on l'exploite, retour au 19e siècle, on voudrait nous faire travailler plus, pour gagner plus, pour dépenser plus, pour quelques points de croissance en plus, faudrait que je me lève tôt, que je travaille tard, plus longtemps, histoire peut-être que je crève un peu plus tôt, histoire dès qu'ils prennent nos retraites, et pendant ce temps, notre président se fait doubler son salaire, l'air de rien, va savoir enfoncer le pied.